Voilà, certains disent qu'ils sont peut-être en vie, vous ne savez pas plus que moi. Non. Thomas, bon voilà. Non, en revanche, ce que je sais, c'est que le mystère, comme celui de la mort de Kennedy, comme celui de la mort de Marilyn, savamment entretenu, et on est dans cette même chronologie, hein, 62, 63, eh bien, ouvre un espace à l'imaginaire, ouvre un espace aux hypothèses, et la mythologie américaine adore s'insérer dans cet interstice de l'indécision et de l'incertitude. Et on est en plein dedans avec Alcatraz, et c'est clair que le mythe d'Alcatraz ne serait pas ce mythe sans cette histoire potentielle d'une évasion. Bien sûr, et je rappelle qu'on peut visiter la prison d'Alcatraz et qu'on peut même faire le chemin des évadés, une sorte de marathon qui se finit à la nage d'ailleurs, parce qu'il faut finir. Un triathlon. Triathlon, voilà. Merci infiniment, Thomas Nagaroff. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les évadés d'Alcatraz, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Arnaud Cailleux qui était à la technique aujourd'hui.